Année 2000, année record du siècle pour la création d'emplois. Année record pour le recul du chômage. On n'y croyait plus, cela faisait si longtemps. Deux générations presque que le chiffre grimpait. De 250 000 en 1967, à la barre qui fut réellement fatidique des 3 millions en 1993. À la télévision, ce mal de la fin du XXe siècle a laissé toutes sortes de traces. Discours politiques, patronal, syndical, reportages, documentaires, téléfilms et même shows grandiloquents. Revoir ces images, écouter les propos d'hier et d'aujourd'hui des acteurs de ce drame, c'est faire surgir les premiers éléments d'une histoire du chômage. Dans le passé récent, nous ne connaissions pas le chômage, sauf en période de crise internationale généralisée, parce que nous n'étions pas une société industrielle moderne. En ce mois de janvier 1967, le premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, accorde une interview à la télévision française. La France d'alors ne compte que 250 000 chômeurs, et pourtant le premier ministre s'inquiète. Nous sommes devenus une société industrielle moderne, et nous sommes en train surtout de le devenir. À partir de ce moment-là, le progrès des techniques fait qu'il y a constamment des industries qui périclitent, fait que constamment la mécanisation transforme les usines en des sortes d'immenses laboratoires où il y a beaucoup moins d'ouvriers et beaucoup moins de machines et beaucoup plus de machines. Nous avons d'autre part des industries qui se concentrent, qui se fusionnent, et elles le font pour améliorer leur productivité, c'est-à-dire pour diminuer le nombre d'emplois par rapport à leur production. Et nous avons enfin les classes nombreuses nées après la guerre qui arrivent sur le marché du travail. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. En permanence, il y aura en France un problème de l'emploi. En permanence, on devra veiller à ce que l'emploi soit assuré aux Français. La vision de Pompidou était une vision à moyen terme. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui à l'époque. Et il me disait, ce qui serait intolérable, ce serait 500 000 chômeurs. Nous aurions la révolution à 500 000 chômeurs. L'inquiétude de Georges Pompidou se confirme tout au long de l'année 1967. Les vieilles régions industrielles, comme les Vosges ou le Nord, prennent de plein fouet le tournant de la modernisation. En l'espace de quelques mois, plus de 80 000 demandeurs d'emploi viennent grossir les statistiques du chômage. Dans le Nord, ça va mal. La surprise, c'est que ça va plus mal qu'ailleurs. En 1967, le chômage a doublé dans la région Nord-Pas-de-Calais. 50 000 travailleurs maintenant. Chiffres officiels, le Nord, c'est 7% des travailleurs de France et 12% des chômeurs de France. C'est une surprise. Comment le Nord, cette région pilote, cette espèce de Ruhr française, a-t-il pu en arriver là? Eh bien, simplement parce que les trois industries de base qui ont fait la richesse de cette région, le charbon, le textile, la sidérurgie, en font maintenant, sinon la pauvreté, du moins apporte la menace d'une décadence progressive. Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'un quelquefois 800-900 bonhommes, tandis que vous avez des usines qui emploient 60-70 bonhommes. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants. Il n'y a rien de prévu pour les gosses. Et qui c'est qui est responsable de tout ça? C'est mieux de fermer les fosses, mais on aurait dû prévenir du boulot pour ces jeunes. On aurait dû implanter des usines tout partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai qu'aura de 16 ans, il va à l'école. Quand il va avoir l'âge de travailler, il n'y a rien pour lui. On préfère laisser pourtant au fond des mines du charbon. Mais on dit que ça va être trop cher pour l'exploiter. On achète à l'étranger c'est moins cher. La perte de son emploi est une épreuve d'autant plus angoissante que le chômage est à l'époque peu protégé et mal indemnisé. Il n'existe que quelques centres de placement, ancêtres de la NPE, disséminés sur le territoire selon le bon vouloir du ministère du Travail. En 67, nous étions déjà préoccupés par cette question de l'emploi. Et il faut dire que les relations sociales étaient quasiment inexistantes. Nous avions affaire à un gouvernement et un patronat qui se refusaient systématiquement à toute rencontre avec les syndicats et surtout avec la CGT qui était victime de discrimination. Et l'effervescence sociale commençait à monter. Voilà pourquoi, devant cette situation, le pouvoir de cette époque a demandé les pleins pouvoirs en ayant la volonté de résoudre ou de répondre aux questions sociales par voie autoritaire, les ordonnances. En mai 1967, le gouvernement, par l'intermédiaire de son jeune secrétaire d'État à l'emploi, Jacques Chirac, décide de créer un outil de placement moderne, l'Agence nationale pour l'emploi. Pour cela, il tente de passer en force au Parlement en employant la procédure des ordonnances, méthode qui consiste à faire voter par les députés une loi sans qu'ils en connaissent au préalable le contenu. La méthode peut surprendre, d'autant que l'Assemblée nationale est largement favorable au gouvernement Pompidou. Monsieur le ministre, les premières ordonnances prises par le gouvernement en matière économique concernent l'emploi. Y avait-il donc urgence à prendre ces mesures? Il y avait urgence dans la mesure où l'évolution démographique, l'évolution technologique et l'évolution économique, et notamment l'ouverture des frontières, ont conduit le gouvernement à penser que le nombre de demandeurs d'emploi était susceptible de s'accroître tout naturellement dans le cadre de la des mutations de notre société industrielle dans les années à venir. La parole est à M. Fontanet. L'urgence de la procédure s'explique donc par l'ouverture du marché commun prévu le 1er juillet 1968. La suppression des barrières douanières précipite la France dans une concurrence qui bouleverse une économie encore largement subordonnée à l'État. Je pense que nous avons à regretter l'absence d'un grand débat public. Franchement, est-il très sain pour l'opinion de présenter aujourd'hui le marché commun comme une sorte de père fouettard qui doit permettre de faire excuser un certain nombre de retards gouvernementaux d'hier et de forcer la main du Parlement d'aujourd'hui? Le problème de la concurrence à l'intérieur du marché commun est un problème sérieux, est un problème grave. Seulement, ce que je souhaiterais pour ma part, c'est que ceux qui s'adressent comme vous-même, qui s'adressent aux industriels, aux commerçants, à ceux qui dirigent l'économie, au lieu de leur dire « ça va mal et c'est la faute du gouvernement », leur disent: vous avez pendant 50 ans vécu à l'abri de protections inadmissibles. Pendant 50 ans, vous étiez tranquille. Chacun produisait sa petite affaire sans savoir à quel prix de revient et la vendait tranquillement avec son petit bénéfice. Il y avait de bonnes frontières douanières, il n'y avait aucune concurrence et le client français était traité comme un client qui était obligé de payer ce qu'on lui donnait au prix qu'on demandait. C'est à ce moment-là que, d'ailleurs avec un peu de tristesse, un certain nombre de chefs d'entreprise ont compris, que d'autres avec grande joie, mais ont compris qu'ils allaient devoir se battre avec leurs propres moyens, en espérant que l'État ne les gênerait pas trop d'ailleurs dans leurs tâches, et non plus dans une espèce de solidarité nationale qui avait ses côtés sympathiques, mais en même temps ses côtés frustrants et qui empêchait le développement économique. Nous vivrons et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ses risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections. Ils ont plusieurs trucs. Un de leurs derniers, c'est l'automation. Nous, on appelle ça accélération des cadences. Il y a 2 ans, je me rappelle, à l'étirage, je faisais 188 copes. Aujourd'hui, j'en ai fait 244. L'ouverture des frontières menace non seulement des industries déclinantes, comme on l'a vu dans le Nord, mais elle engage le patronat dans une course à la productivité. La compétition internationale se traduit dans les ateliers par la montée des cadences. Une partie du monde ouvrier voit alors ses repères professionnels s'effondrer. L'importance du phénomène est telle qu'il n'échappe pas à la télévision de l'époque. Le RTF y consacre même un téléfilm réalisé par Maurice Felvic. C'est quand même pas normal que des gars comme toi soient obligés de se tirer. Ça peut pas être la solution. C'est pas une solution, c'est pas une solution. T'es marrant, t'en as une, toi, de solution? Bah, la solution... Bah, tiens, t'as qu'à prendre ton histoire de machine et demande à Riton, les deux vieux compagnons de l'atelier 14. Il y en a un qu'on a collé à classer les fiches et l'autre au magasin. 43 aussi. Et encore parce qu'ils sont pas loin de la retraite. Ah bah alors? Alors, j'ai pas envie d'attendre qu'une machine vienne me piquer mon boulot ou qu'on me l'ouvre. Ah bah les autres? Bah, y a pas de mais. Oui. Dans mon école, j'aurais peut-être moins qu'ici, d'accord. Mais je continuerai à faire mon boulot. Mais oui, il a raison. D'accord. Mais suppose que tous les professionnels deviennent des professeurs techniques adjoints. Alors? Tu vois bien que ça peut pas être ça, la solution. Peut-être raison, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'en vois pas d'autre. Tiens, ton fils, tu vas le pousser dans la mécanique. Moi, je te dis, je ne suis pas tout pour que le fasse autre chose. Pourtant, quand j'ai fait mou, il y a que ça qui m'emballait. Oh non, tout mais pas ça. C'est vrai, c'est plus du boulot, quoi. T'as toujours quelqu'un sur le doigt t'asticoter. Faut faire ça en une heure, faire ça en une demi-heure, faire ça en cinq minutes, faire ça comme ci, comme ça. Merde, je connais mon boulot, je dois bien les voir sur la bécane. Alors, si le boulot est mal fait, ils s'en foutent. Alors, ça, je peux pas l'enquêter. Justement. Justement, quoi. Il doit bien avoir une solution. Ouais, mais faut la trouver. La grève avec occupation d'usine est adoptée à l'unanimité moins une voix. Les travailleurs manuels, intellectuels et la population exigent la satisfaction de leurs revendications. Cette période pleine d'incertitudes va finalement déboucher sur la crise de mai 68. Autant qu'une révolte étudiante, 68 est aussi avant tout une révolte ouvrière. Quelques 9 millions de salariés en grève poussent le gouvernement et le patronat à négocier au ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle. Il y avait les questions qui touchaient au salaire en premier lieu, et tout ce qui touchait à la réglementation du travail, aux qualifications dans différentes professions, la reconnaissance de la qualification professionnelle, la suppression des inégalités, les discriminations salariales entre les jeunes, le travail féminin aussi, tout cela est venu en priorité dans la négociation. Mais nous avons toujours, tout de même, je le répète, mis en avant les questions de l'emploi au travers de la réduction de la durée du travail et de l'avancement de l'âge ouvrant droit à la retraite, car nous sentions bien qu'il allait y avoir, de ce point de vue, beaucoup à faire par la suite. Lorsqu'on a présenté les décisions prises en mai 68 comme ayant conduit à des conséquences économiques tout à fait néfastes, en fait, on s'est complètement trompé. On peut dater de mai 1968 et de Grenelle, par la distribution de pouvoir d'achat à laquelle on a procédé, une sorte de renaissance de la croissance en France qui a duré jusqu'à la fin de 1973. Les hausses spectaculaires du SMIC, des salaires et des prestations sociales vont entraîner une croissance non moins spectaculaire de 5 à 6 % par an. En revanche, les accords de Grenelle ne règlent pas l'antagonisme entre le patronat et une partie de la classe ouvrière. La forte croissance que connaît l'économie française a même tendance à multiplier les conflits. Nous avions le sentiment très vif des dégâts commis par 68, en particulier dans les rapports sociaux. Il y a un vide qui s'était installé, dramatique. Et le premier problème qui nous paraissait devoir être résolu, c'est de retisser des liens avec les organisations syndicales. Une grande partie de la classe ouvrière renforce les syndicats CGT et CFDT dans un rapport de lutte des classes avec le patronat. La télévision, pourtant soumise à une censure du pouvoir politique, s'ouvre à ce radicalisme, comme dans le cas de ce « À armes égales » d'octobre 70. Le film de la CGT, programmé à 20h30, juste avant le débat entre François Sérac et Georges Ségui, résume à lui seul l'état d'esprit de l'époque. Première question. À qui appartiennent les usines ? De Vindel, le baron Impin, le baron Rothschild, Dassault, Jean Prouveau. Deuxième question. Qui crée dans ces usines, ces laboratoires, ces ateliers, la richesse? Les travailleurs. Troisième question. Qui en profite? Une poignée d'exploiteurs. Les capitalistes ne peuvent pas se passer des travailleurs. mais les travailleurs peuvent très bien se passer des capitalistes. Moi, je ne veux pas essayer de vous convaincre de renoncer au profit, à la propriété de vos entreprises. Vous ne pouvez pas me convaincre de renoncer à la grève comme recours extrême de l'action syndicale. Mais je crois que nous avons ce soir la possibilité de faire une démonstration de la volonté qui existe de part et d'autre de trouver justement des solutions négociées aux problèmes sociaux. En général, les gens souhaitent que les patrons et les syndicats ouvriers s'entendent. S'entendre, c'est un mot difficile à concevoir dans nos relations, mais désaccord. Pas si difficile. La concertation, c'est l'entente pour des projets communs. Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de projets communs entre ouvriers et patrons. Mais enfin, nous existons, nous ne pouvons pas nous ignorer. Il faut vivre. Il faut vivre. Tant que des choses se transforment dans le sens que nous pouvons souhaiter, il faut vivre. Nous ne pouvons pas nous ignorer. Nous devons, par conséquent, discuter. Mais pendant que les responsables syndicaux et patronaux tentent tant bien que mal de dialoguer, la base ouvrière est plutôt dans une logique d'affrontement. Le refus d'emploi jugé dégradant et mal payé menace la productivité des entreprises et notamment celle de l'automobile. Renault voit le taux d'absentéisme de ses ES passer de 6 à 11% entre 70 et 73. Des grèves dures paralysent la production à maintes reprises. Le travail, associé au mot « exploitation » ou « aliénation », n'est jamais autant remis en cause que durant cette période. La question du chômage n'est pas pour autant mise entre parenthèses. On constate même une augmentation substantielle du nombre des demandeurs d'emploi. La barre des 500 000 chômeurs est franchie une première fois fin 71, sans que le pays connaisse du reste la révolution. Il est vrai qu'un chômeur sur deux retrouve un travail dans un délai d'un mois. Les demandeurs d'emploi du début des années 70 ont encore la possibilité de choisir leur travail. J'ai été voir M. Adam, il m'avait fait un papier d'aller me présenter à 8h30 comme hôtesse vendeuse. Mm-hmm. Alors je suis allée là-bas, ils m'ont mis à la boucherie. Bien, donc vous recherchez une amélioration de situation en fait. Oui, parce que ça ne correspond pas du tout. Alors c'est d'emballer la viande toute la journée, et puis alors faire les ménages, et puis laver de la viande, tout ça, moi ça ne m'intéresse pas. Et vous recherchez Vendeuse, toujours vendeuse. D'accord. Alors là, j'aurais peut-être une possibilité, c'est vendeuse en alimentation. Hein? Ça vous intéresserait éventuellement? La pression du chômage ne constitue pas encore une réelle menace pour la majorité des salariés. Et ça favorise l'agitation sociale. De n'importe quelle région de France, venez soutenir les travailleurs de chez les... Au printemps de l'année 1973, un conflit éclate dans la célèbre manufacture de Montrelip à Besançon. 1300 salariés se mettent en grève pour protester contre le dépôt de bilan de leur entreprise qui menace 480 d'entre eux. Ce conflit, qui va s'étaler sur plusieurs mois, va non seulement mobiliser une région entière, mais aussi une grande partie des Français, des syndicats et des partis de gauche. Au-delà du mouvement de protestation contre les licenciements, c'est surtout la façon de mener la grève qui va retenir l'attention. Un mot est lâché, autogestion. L'heure est encore à l'espoir de changement des formes de production. Quand on a commencé à manifester en 73, on descendait en ville, il y avait toutes les voitures qui partaient, on klaxonnait, on arrivait en ville, tout le monde regardait, tiens, voilà les libres. Et nous, on criait non au démantèlement, non au licenciement. Mais ce qu'on disait aussi, c'était la façon dont on s'était organisé dans l'usine, la démocratie, les commissions de travail où tout le monde s'inscrivait. C'était libre, c'était une vraie ruche où tout le monde travaillait, où tout le monde s'organisait à sa façon. Il y a eu une espèce d'insurrection qui est une insurrection de l'esprit. Parce qu'avant même de défendre leur emploi, qu'ils défendaient de fait, les libres parlaient de défendre l'outil de travail, un professionnalisme et des qualifications. Et ils ont mené combat, non pas officiellement pour défendre leur emploi, mais pour démontrer que leur outil de travail restait viable avec eux dessus. Je crois que il y a une charge utopique très grande dans le conflit des LIPE que nous soutiendrons, enfin plus ou moins François Mitterrand sera très réservé. Et il faut bien le dire avec le recul, le conflit LIPE laisse complètement à l'arrière-plan la grande mutation technologique de la montre à cette époque-là, c'est-à-dire le problème de la montre à quartz qui va être fabriquée à des millions d'exemplaires par les grandes manufactures japonaises. En France, il y a une production très dispersée. LIPE est la seule manufacture, mais elle produit, si je me souviens bien, 400 000 montres à l'époque. Et le problème technologique n'est absolument pas vu, il est traité en termes purement idéologiques. La lutte d'élite marque à ce point les esprits que dans les années 73 et 74 éclatent des dizaines d'autres conflits du même type, propageant dans la France entière cette idée d'autogestion. Les ouvrières de l'usine Couseau, en Vendée, connaîtront pendant 109 jours de grève la liberté de travailler pour elles. Fabriquée par des ouvrières sans chef ni patron. Un après-midi, on avait reçu des informations de l'IP et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas, on fabriquerait pas des chemisiers. Alors on a décidé à trouver des machines, on avait nos machines familiales. Et depuis, on fabrique des chemisiers pile. Cet espoir d'un changement de société est incarné par une gauche unie autour d'un programme commun signé en 1972 par un parti communiste fort et par un parti socialiste ambitieux. La mort de Georges Pompidou en avril 1974 déclenche des élections qui voient s'affronter au second tour le ministre de l'économie Valéry Giscard d'Estaing et le leader des socialistes François Mitterrand. L'heure est encore à l'affrontement classique droite-gauche. Il faut savoir qu'on est dans la foulée de mai 68, que l'Union de la gauche a une vertu mobilisatrice exceptionnelle. On croit qu'on va changer, comme on dit, les rapports de production, c'est-à-dire l'organisation du travail dans les usines, qu'on va aller vers un monde plus égalitaire, plus juste, plus fraternel. Il y a un souffle qu'évidemment on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut pas du tout parler de ces questions si on fait abstraction de ce contexte psychologique et moral. Mais voilà, pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait ? Qu'a-t-on fait pour le peuple ? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs ? Qu'a-t-on fait pour les paysans ? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers ? Qu'a-t-on fait pour les commerçants ? Qu'a-t-on fait pour les artisans ? Qu'a-t-on fait pour les cadres ? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales ? Alors je vois qu'on m'a compris. Au moment où j'aurais dit l'avant-projet de programme socialiste, on peut dire que l'emploi occupe une place très réduite. Je ne suis même pas sûr que le mot emploi y figure. Tout au plus, on signale comme insupportable l'existence de près de 500 000 chômeurs. Concernant l'emploi, vous parlez de l'emploi des jeunes. Bien, concernant l'emploi, il faut savoir que depuis 1969, c'est un chiffre très frappant, il a été créé en France, je ne dis même pas j'ai créé, je ne prétends pas du tout que ce soit moi, il a été créé en France plus d'1 200 000 emplois, c'est-à-dire plus que dans les 70 années précédentes. Et ceci a permis de maintenir en France une situation de plein emploi. Vous pouvez participer à cette campagne présidentielle en France sans parler de chômage, alors que si vous participiez à une campagne électorale, par exemple en Grande-Bretagne, ce serait le problème numéro un. Quelques mois auparavant, en octobre 1973, alors que Georges Pompidou est encore président de la République, la crise pétrolière frappe les pays occidentaux déjà affaiblis par une série de soubresauts économiques et sociaux. Les pays arabes, exportateurs de pétrole, vont prendre prétexte de la guerre qui oppose une nouvelle fois l'Égypte à Israël pour quadrupler le prix du pétrole. Pour faire face aux problèmes économiques entraînés par cette hausse, le gouvernement français, parent au plus pressé, annonce une série de mesures qui nous paraissent aujourd'hui quelque peu singulières. Pour réduire la consommation d'électricité, nous avons décidé d'interdire de 10h du soir à 7h du matin la publicité lumineuse, l'éclairage des vitrines des magasins et les illuminations des monuments publics, sauf le samedi soir et pendant la période des fêtes. Nous avons décidé d'interdire tous les jours de 10h du soir à 7h du matin l'éclairage des immeubles et en particulier des tours à usage de bureaux lorsque ces bureaux sont inoccupés. Enfin, toujours pour économiser l'électricité, nous avons demandé à l'ORTF de réexaminer ses programmes afin que la télévision interrompe ses émissions chaque soir à 11h du soir, sauf le samedi et pendant la période des fêtes. Nous avons demandé à M. le ministre des finances de bien vouloir nous recevoir. Et c'était Giscard d'Estaing à l'époque. Et avec Ambroise Roux, je me souviens très bien, en délégation, nous sommes allés le trouver pour lui dire, monsieur le ministre, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas laisser l'industrie française. Alors, nous avons dit, il faut effectivement apprécier les conséquences concrètes de l'augmentation, du quadruplement du prix du pétrole, et il faut mettre un plan immédiat en marche. Il y aura des opérations à faire à plus long terme, mais il faut tout de suite, par des précautions, économie d'énergie, développement des énergies non pétrolières, etc., etc. Je dois dire que nous n'avons pas été reçus d'un bon œil ou d'une bonne oreille. Ça n'a servi exactement à rien. Le gouvernement français, à l'époque, n'a pris aucune mesure. Mais le premier choc pétrolier n'explique pas complètement la crise. La hausse importante de l'énergie ne fait que s'ajouter aux effets de la mutation que connaît l'économie française depuis le milieu des années 60 et dont on a pu voir les effets sur l'emploi. Productivité accrue, accélération des cadences, mécanisation du travail. C'est toujours au nom de la hausse du prix du pétrole et de la forte inflation qui en découle qu'en juin 1974, le tout nouveau président de la République invite les Français à se serrer la ceinture. Il ne faut pas dissimuler la nécessité de l'effort. Cela ne sert à rien de dissimuler la nécessité de l'effort, et d'ailleurs vous savez très bien, les unes et les autres, que cet effort est nécessaire. La France a subi un prélèvement extérieur puisqu'elle paie plus cher ce qu'elle importe, et en particulier son énergie. Il faut donc qu'au prix d'un effort, elle reconstitue sa propre substance et qu'elle assure elle-même son équilibre. C'est ce que nous allons faire. Le poids de la pensée dominante était que le choc pétrolier était un mauvais coup des Arabes, il se traduisait par un prélèvement sur le revenu national et qu'il fallait économiser à due conséquence. Voilà, ça c'était ce qui était martelé en permanence, et essayer d'intégrer cette vision, cette interprétation dans une vision plus large était impossible. De mai, date de l'accession au pouvoir, jusqu'à décembre, c'était plutôt un plan de restructuration, et c'est pour ça que nous avons en matière de crédit, en matière de monnaie, pris des mesures très très dures, qui nous ont permis de retrouver une situation honorable sur le plan des équilibres globaux, mais le chômage a fortement dérapé. Et nous sommes passés, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais nous sommes passés des environ 400 à 500 000 demandeurs d'emploi au moment où nous avons pris le pouvoir, et on est passé à 700 à 800 000 en fin d'année. Et c'est cette accélération qui a inquiété tout le monde et qui a dit ben, il faut relancer. À défaut de juguler la crise, le gouvernement de Jacques Chirac va tenter de rendre le chômage indolore. Pour cela, il va faire pression sur le patronat pour que les négociations engagées avec les syndicats sur une hausse des allocations chômage aboutissent à un accord. Le 14 octobre 1974, patronat et syndicats signent un texte largement favorable aux demandeurs d'emploi. Jusqu'ici, vous le savez, quand un travailleur perdait son emploi pour des raisons économiques, c'est-à-dire que son emploi était supprimé et qu'il était ainsi licencié, il touchait une indemnité qui était d'environ 50% de son traitement antérieur. Eh bien, ce matin a été signé un accord qui lui permettra de toucher l'intégralité pendant un an de son traitement antérieur. C'est donc, si vous voulez, une mesure qui, sur le plan social, a une importance considérable. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été prises pour l'indemnisation du chômage, mais pas tellement pour remédier à la crise de l'emploi. Alors nous, évidemment, comme syndicalistes, lorsqu'il y a des chômeurs, nous luttons pour que les chômeurs subissent le moins de revers possible de la situation dans laquelle ils se trouvent, et donc pour l'indemnisation. Mais ce n'est pas un idéal, l'indemnisation du chômage. L'idéal, c'est le respect du plein emploi. Au printemps 1975, le gouvernement de Jacques Chirac décide de relancer l'économie d'une manière classique. Cette fois, ce n'est plus la lutte contre l'inflation qui est privilégiée. Ce plan de relance passe tout d'abord par une embauche de plusieurs milliers de fonctionnaires. Il donne également la priorité aux entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, en les aidant à investir. Le but de ce plan est clair, préserver l'emploi. Mais il a un coût, une augmentation de plus de 13% des dépenses de l'État. La bataille fait cependant rage à l'intérieur du gouvernement. Certains ministres sont pour maintenir la rigueur et faire payer aux salariés le prix de la crise. Le problème, c'était, est-ce qu'on accepte un certain nombre de mutations brutales, quitte à apporter des améliorations financières pour que les réformes de structure fassent vite, ou bien est-ce qu'on essaie de prolonger les mécanismes anciens pour essayer de protéger les Français de la crise? Et j'étais le seul à penser qu'il fallait accepter les mutations brutales et aller assez vite, ce qu'ont fait les Anglais. Ce plan de relance n'empêche pas pour autant l'économie de se dégrader. L'environnement international est mauvais. Les pays occidentaux connaissent en 1975 la récession la plus grave depuis 30 ans. Le gouvernement tente alors désespérément d'endiguer la montée du chômage. Il faut par tous les moyens empêcher les industries en difficulté, comme la sidérurgie, de procéder au licenciement massif demandé par le patronat. Notre situation s'est encore aggravée depuis le mois de juillet. Nous travaillons presque partout à moins de 60% de notre capacité. Et par conséquent, logiquement, je dirais en dépit des espoirs légitimes que je fonde sur la réussite du plan gouvernemental, nous devrions procéder à des licenciements dans les semaines qui viennent. Monsieur Ferry disait, on va être obligé de licencier. Monsieur Ferry savait très bien que l'État n'en voulait pas, d'ailleurs lui-même n'en voulait pas. Et donc pour lui, ce discours était un moyen d'avoir des aides de l'État à la sidérurgie. Donc il y avait une sorte de quasi-complicité entre le gouvernement, la chambre syndicale de la sidérurgie, les patrons, et les syndicats pour aider massivement la sidérurgie, avec en contrepartie l'obligation de ne pas licencier. C'était le deal. Et ce deal, il avait été très clairement conclu. Un million de chômeurs, c'est un choc quand on fait une campagne sur l'expansion et qu'on se retrouve avec une telle situation. Un million de chômeurs, c'est plus un choc pour un pays comme le nôtre, que le cap des 2 millions. Le cap des 2, le cap des 3 devient une habitude. Le premier million, ça a été véritablement un choc. À la télévision, le cap des 1 million de chômeurs ne passe pas non plus inaperçu. Une des émissions phares de l'époque, Les Dossiers de l'écran, consacre en janvier 1976 une soirée spéciale au chômage. Le premier reportage du réalisateur Ange Casta raconte la lutte obstinée des ouvriers de la tannerie d'Annonay en Ardèche. La fermeture de cette PME est en effet représentative de l'ampleur de la crise. La multiplication des dépôts de bilan des petites et moyennes entreprises explique la brusque hausse des demandeurs d'emploi. Mais à travers ce reportage se dessine un autre problème. Le chômage, s'il déclenche encore de la colère, entraîne peu à peu un sentiment de culpabilité. Le licenciement collectif, ou même individuel, je pense, mais enfin, nous, c'est collectif, ça vous fait l'effet de recevoir une brique sur la tête. Parce que quand on parle, quand une entreprise travaille, on vous dit, vous êtes licencié, on y croit sans y croire. On a toujours l'espoir qu'on ne sera jamais licencié. Puis le jour où ça arrive, vous vous trouvez avec des dettes que vous avez devant vous parce que vous avez fait construire, vous avez acheté ceci ou cela. Puis du jour au lendemain, paf, vous vous trouvez rayé des gens, des travailleurs, et vous sentez on se sent diminué, il n'y a rien à faire. On est considéré comme des parias. On fait un budget avec le salaire qu'on a, et puis on se trouve à zéro, on se trouve renvoyé, on se fait traiter de fainéant. Ça ne nous plaît pas d'abord, d'abord on n'est pas fainéant. Bien souvent les femmes, on nous dit vous n'avez qu'à louer 10 mètres de trottoir. On lutte pour avoir du travail, pour avoir une vie normale. Et qu'est-ce qu'on est, des rebuts? Le chômage, on n'a pas de merveille. Bon, alors je me mets à mon bureau. Je prends mon cahier, qui n'est pas mon premier cahier malheureusement, mais qui est mon deuxième cahier. Dans un deuxième document intimiste, Les Dossiers de l'écran font découvrir à une large partie de la France encore préservée du chômage le quotidien d'un cadre supérieur à la recherche d'un emploi. Oui, vous me disiez que ça n'était pas le premier cahier. Qu'est-ce que vous faites sur ce cahier avec ce cahier? Écoutez, sur ce cahier, c'est bien simple. Je note, je découpe les annonces auxquelles j'écris et je les colle avec les réponses qui me sont données. Ça représente des réponses à combien d'annonces? Écoutez, pour l'instant, ça correspond à 268 courriers, donc 268 curriculum vitae que j'ai adressés. J'ai eu environ 260 réponses, 250 réponses. Combien? 240 négatives. Pour quelle raison? Ça, je n'en sais absolument rien. 240 négatives sur 260. Négatives, oui. On ne dit pas, on dit monsieur, même dans les 48 heures qui suivent la réception de la lettre, on dit monsieur, votre profil ne correspond pas. Même si le chômage des cadres est encore quantité négligeable par rapport à celui des ouvriers, ce genre de document est révélateur de l'inquiétude ambiante. Le lendemain de l'émission, l'éditorialiste du Monde, Claude Sarraute, titrera son billet « La plaie béante du chômage ». Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans cette situation de chômage dans laquelle vous vous trouvez ? L'inactivité continuelle dans laquelle nous nous trouvons. Oui. J'avoue que c'est affreux. Oui. Les gens ne croient pas que... Certains disent « Vous avez de la veine, vous êtes en vacances », mais ce n'est pas vrai du tout. Nous ne sommes pas du tout en vacances. Nous sommes toujours sur le qui-vive, dans l'espoir de pouvoir retrouver un travail, du moins pour moi. Et aujourd'hui, c'est très difficile. S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre. Il faudra des policiers pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable. Un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville. Malgré la gravité de la crise, le gouvernement continue de se montrer optimiste. En août 1975, Jacques Chirac évoque la sortie du tunnel. Quelques mois plus tard, Valéry Giscard d'Estaing apparaît soulagé à la télévision. L'événement le plus important de cette année, l'année 1976, n'est pas un événement politique, puisqu'il n'y a pas eu et qu'il n'y aura pas d'élection nationale. L'événement le plus important est un événement économique. C'est la reprise de l'activité économique qui signifie la fin de la crise. L'analyse qui était faite des situations économiques était principalement une analyse conjoncturelle. Je veux dire par là qu'il y avait une phase de ralentissement de l'économie, qui avait son début, le choc pétrolier, mais qui normalement devait avoir sa fin. Et que la fin n'était pas très éloignée. On était dans un système de cycle. Et que donc, lorsqu'on entrait dans le tunnel, forcément, on devait en sortir, et la sortie n'était pas très éloignée de l'entrée. C'était ça, le thème de la sortie du tunnel. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Le tunnel étant plus long que prévu, le Premier ministre Jacques Chirac décide de quitter le gouvernement. La thèse de la rigueur soutenue par Raymond Barre va pouvoir s'exprimer. Je crois que Raymond Barre a été en 76 celui qui a sifflé la fin de la récréation. Il l'a fait avec son style, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est pas, ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas tant pis, donc un style un peu bourru et un peu dictatorial, Raymond la science, mais enfin il a dit ce qu'il fallait dire. J'ai été obligé de dire non, ce n'est plus possible. Et je ne dis pas cela pour vous faire de la peine ou pour vous faire des malheurs. Je dis cela parce que l'on va à la catastrophe si on ne reprend pas les choses en main. Il faut que nous comprenions que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Dès sa première allocution, Raymond Barre place l'inflation et les déficits publics en tête des maux dont souffre la France. Pour lutter contre cette inflation qui devient la cible prioritaire, le Premier ministre va s'attaquer aux hausses multiples que connaît le pays. Les prix, les déficits publics, le crédit, les revenus. Ce plan de rigueur ignore la hausse du chômage qui ne constitue plus la priorité du gouvernement. Lorsque M. Giscard d'Estaing me demande de devenir Premier ministre, les orientations qu'il me donne sont de rétablir les équilibres globaux. Cela ne voulait pas dire que nous n'étions pas sensibles à l'emploi. Mais cela signifiait qu'avant de traiter l'emploi, il fallait commencer à agir dans les autres domaines. Car c'est une thèse que j'ai toujours soutenue, qui m'a valu beaucoup d'ennuis. Mais que voulez-vous ? On ne peut pas, on ne peut pas surmonter certaines insuffisances du raisonnement. L'emploi n'est jamais un objectif unique et à part. Le chômage, la croissance, l'énergie. Bien. À l'heure actuelle, nous avons beaucoup de chômage. Et alors, les économistes conseillent au gouvernement d'accélérer la croissance ici pour diminuer le chômage. Et de fait, si nous pouvions avoir une très forte croissance, une croissance à 6% comme on avait dans les années 60, alors nous n'aurions plus de chômage. Mais alors, comme dans les années 60, notre consommation d'énergie augmenterait à nouveau de 6%, mais à l'époque, on n'y faisait pas attention. La France s'installe dans la crise. Alors la télévision tente de trouver des explications pour le plus grand nombre. À l'instar de Raymond Lascience, pour reprendre l'expression de Lionel Stoléru, certains journalistes vont manier les explications plus ou moins limpides pour convaincre les Français que le chômage est inéluctable et que c'est peut-être bon pour les économies d'énergie. Alors, si nous regardons notre futur, que va-t-il se passer? Ou bien nous aurons cette forte croissance, alors c'est vrai, il y aura beaucoup moins de chômage. Mais alors, la consommation d'énergie dans le monde, et notamment la consommation de pétrole, va repartir à 5-6%. Et alors, vers 85, 90, 95, nous savons que la production ne pourra plus faire face à la demande. La politique de rigueur de Raymond Barre n'a pas tous les effets escomptés. Elle n'empêche pas l'inflation de stagner autour des 10%. Elle n'évite pas non plus la hausse inexorable du chômage. Pour faire face à cette nouvelle dégradation de l'emploi, Raymond Barre va lancer de 1977 à 1979 trois pactes nationaux pour l'emploi. La cible prioritaire de ces plans sera les jeunes qui sont à l'époque les principales victimes de la crise. Près d'un chômeur sur deux a en effet moins de 25 ans. Pour tenter de les insérer dans les entreprises, le gouvernement lance les fameux stages Barre. Ils ont été baptisés, je veux dire affublés, si vous me permettez, du nom de stage parking. En fait, c'était l'idée que plutôt que des jeunes ne fassent rien, d'utiliser les temps pendant lesquels ils étaient disponibles pour améliorer leur formation. J'ajouterai que c'est ce qui s'est passé au cours de toutes les années suivantes, puisque nous savons que l'âge des rentrées des jeunes dans la vie active a constamment reculé. Et que ça a été l'une des conséquences du phénomène du chômage. Et c'était l'idée qu'il valait mieux qu'ils soient employés à être formés, même pas très bien formés, plutôt qu'à ne rien faire. À la fin de 1978, quelques mois après la victoire de la droite aux élections législatives, le gouvernement de Raymond Barre va entreprendre la restructuration de certaines branches industrielles. L'économie française est encore largement dominée par son industrie lourde, qui se trouve alors menacée à la fois par la crise et la compétition internationale. La sidérurgie, longtemps sous perfusion, va être la première concernée par près de 20 000 suppressions d'emplois. Son déclin marque symboliquement celui du monde ouvrier. Bonsoir. La nuit, on peut voir trois grosses lettres clignoter au-dessus de Longwy, dans le nord de la Lorraine. Ce ne sont pas des illuminations de Noël, loin de là, c'est au contraire un message de détresse. SOS. Ces trois lettres, larges d'un mètre, ont été hissées au sommet du crassier de Longwy, à 110 mètres de hauteur. On les voit, ces lettres, à plusieurs kilomètres à la ronde. Ce sont des militants de la CGT qui les ont placées là. Longwy ne veut pas mourir, disent-ils, mais ils le craignent pourtant. Comme la sidérurgie ne cessait d'être en perte, qu'elle empruntait sans cesse des emprunts sidérurgiques pour financer des investissements dont on se rendait bien compte qu'il n'avait plus aucun intérêt. Il fallait commencer par une restructuration. L'annonce des fermetures d'usines va déclencher un véritable électrochoc dans les deux régions les plus touchées, la Lorraine et le Nord. La fin de l'année 1978 et le début de 1979 seront marquées par des manifestations quotidiennes de protestation et de colère. Mais cette fois-ci, le sort de milliers de sidérurgistes est réglé et les pouvoirs publics et les employeurs ne reculeront pas. La lutte va très vite céder la place au désespoir. On a discuté longtemps. Et la Fédération de la métallurgie et CFDT, comme moi, avec Raymond Barre, souvent sur cette question. Et il voyait bien clair. Il disait, on va accumuler des dizaines de milliards de francs de coûts pour retarder l'inéluctable. Il faut transformer la sidérurgie, la moderniser. Et donc, diminuer massivement les effectifs en raison du développement de la sédentaire monde, etc. Et donc, il faut penser tout de suite à qu'est-ce qu'on fait en Lorraine et dans le Nord. Donc, il avait ce discours très clair, mais tout le monde, je dirais autour ou presque, disait, bon, on a le temps, doucement, prenons des solutions. En gros, la concurrence laissera le temps, ça dramatise de façon exagérée, on peut défendre tout cela. Un peu tout le monde, et notamment dans les régions concernées. C'était le statu quo. Donc, Barre avait raison sur le fond. Un plan social longuement négocié va permettre aux plus âgés de ne pas être directement licenciés. Ils seront mis d'autorité en pré-retraite. Cette mesure, ajoutée à d'autres, comme les primes au départ, aura pour effet de calmer un tant soit peu les esprits. Mais, loin des projecteurs de l'actualité, l'onde de choc continuera à détruire lentement toute une génération d'ouvriers habitués au labeur. La télévision des années giscardiennes se gardera bien de raconter le bouleversement vécu par ces hommes devenus vieux trop tôt. Ce n'est qu'après la victoire de François Mitterrand en 1981 qu'Antenne 2 diffuse le documentaire de Daniel Carlin, tourné quelques mois plus tôt. Quand on m'a dit ça, moi qu'il fallait que je m'en aille. Oh, ça m'a fait un choc, c'est terrible. Vous attendiez ou pas? Comment? Vous vous y attendiez ou pas? Ben, on entendait des bruits, mais de la réalité, et la réalité est bienvenue. Un beau jour, le contremaître me dit, Gabi, va falloir tailler au grand bureau. Oh, quoi faire? C'est fini. Tu vas rester chez toi. Oh là là. J'aurais pu avoir la camionnette pour y aller. Non, j'y étais à pied. Et je ruminais, je dis ça y est, je suis foutu. Rester à la maison, quoi faire? Vous aviez quel âge? 57 ans et 7 mois. Quand je vois l'usine qui était, et puis l'usine d'aujourd'hui, on dirait que la guerre a passé. Il n'y a que quoi? 2-3 chantiers qui travaillent, les hauts fourneaux, à Snell, là, il y a le train-fil. Il y a... Mais c'est fou cette expression, on dirait que la guerre a passé. Ouais, parce que ayant vu la guerre, où la guerre a passé, il ne reste plus rien. Il me semble que c'est pareil. Moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis en prêt. Mon mari dit qu'il a je suis pas en prêt. Ils m'ont foutu à la porte. Si, alors, de but en blanc, ils me foutent à la porte. L'autre, il me dit, t'es retraité. Mais non, je suis pas retraité. M'a dégagé. Essaye de pas y penser. Après, c'est vrai, bon. Bon. Le gars, il dit, oh, je suis bien. On est bien, parce qu'on est obligé de dire que... Il n'y a pas d'autre mot, on est obligé de dire que c'est bien. Il aurait dû y avoir une réaction syndicale plus unitaire. Si nous avions retrouvé en 78-79 une unité semblable à celle que nous avions réussi à faire avec la CFDT et les autres, et par voie de conséquence les autres organisations syndicales, avant 68 et pendant au moment 68, nous aurions résisté sûrement avec beaucoup plus d'efficacité à cette catastrophe économique. Le pic des 1,5 million de chômeurs commence à entamer le moral des salariés. Les luttes deviennent plus difficiles, comme ici à l'usine Alstom de Saint-Ouen. Après 43 jours de lutte, le réalisateur Jean-Pierre Thorne ne peut que constater l'impasse de la grève. Un film que la télévision se gardera bien de montrer. L'élection présidentielle de 1981 constitue maintenant l'unique horizon pour des centaines de milliers de chômeurs et pour tous ceux qui désirent un changement de politique économique. Le second tour oppose à nouveau, comme en 1974, François Mitterrand à Valéry Giscard d'Estaing. Mais cette fois-ci, le chômage est au cœur du débat. Le chômage montait. Nous étions à 1,5 million avant les élections de 1981. Tous les partis politiques menaient campagne contre le chômage. C'était la question numéro un. Et je crois qu'il y avait une grande espérance dans les milieux populaires qui étaient frappés, évidemment, par le chômage, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ils pensaient que seule la gauche pouvait régler ce problème. Et ils ont mis tous leurs espoirs, effectivement, dans le vote en faveur de François Mitterrand au second tour pour vaincre le chômage. Je crois que c'était la question des questions qui dominait toutes les autres. Sur la lancée de la victoire, le gouvernement de Pierre Mauroy accorde à son électorat quelques mesures d'ordre social. Hausse du SMIC de 10%, relèvement de l'allocation vieillesse et des allocations familiales. Mais très vite, le tout nouveau Premier ministre va devoir s'atteler à une autre tâche, bien plus ardue. Notre objectif prioritaire, c'est combattre le chômage. Moi, je suis Premier ministre du gouvernement, je me considère comme un chef de guerre contre le chômage. Nous allons entrer en guerre contre le chômage. Dès septembre 1981, Pierre Mauroy va mettre au point un plan d'action contre le chômage qui comportera deux axes principaux. D'abord, inciter les entreprises à embaucher en leur octroyant une série d'aides. Ensuite, et c'est ce qui est nouveau, favoriser le partage du travail en instituant la semaine de 39 heures et la retraite à 60 ans. Ce plan emploi, préparé par des économistes proches de la gauche, a pour ambition de stopper la montée du chômage, voire de l'éradiquer. Au moins, les Français verront que le gouvernement se bat contre le chômage. Alors ce que je pense, c'est que ça durera bien sûr un certain nombre de mois, mais nous finirons par inverser la tendance. Quand et je suis persuadé que, moi je pense à la fin de l'année, la fin de l'année 82, printemps 83, nous devrions avoir inversé la tendance. Une inversion très nette. Le cap des 2 200 000 chômeurs est atteint au début 1983. La tâche de la gauche va se révéler plus compliquée que prévu. L'histoire du chômage ne s'arrête pas là. La cinquième vous divertit. J'étais au cœur du débat politique. Les années 70 ont en effet été le témoin du passage chaotique d'un monde marqué par une croissance forte et par le plein emploi à un autre monde rongé par la crise et la montée du chômage. La victoire de la gauche constitue alors un réel espoir pour une large partie du pays, sonnée par quelques 2 millions de demandeurs d'emploi. François Mitterrand et ses alliés réfléchissent depuis une dizaine d'années à des solutions alternatives basées sur le postulat que c'est avant tout le capitalisme qui est en crise. Mais notre histoire du chômage, racontée avec les images qu'en a données la télévision et avec les propos d'hier et d'aujourd'hui des acteurs de cette période, n'en est pas finie pour autant. De la gauche était un programme de lutte des classes, anticapitaliste. Et donc c'était un programme qui spéculait sur le fait que la collectivité nationale plus l'État allait non seulement modifier le capitalisme mais ses ressorts et entraîner la France dans une croissance harmonieuse. En matière de croissance et de chômage, l'idée est que l'essentiel du retour de l'emploi se fera par deux leviers. Le premier, c'est la croissance, et le second, c'est la politique industrielle. La croissance par la relance de la consommation, par la baisse des impôts, par tout ce qui va donner une dynamique nouvelle à la croissance, et la politique industrielle par les nationalisations qui vont relancer non pas la consommation, mais l'investissement, et qui vont en quelque sorte forcer le marché, puisque l'État, devenant propriétaire des entreprises, pourra... réussir ce que le marché ne veut pas faire. À côté de la politique économique de rupture symbolisée par les nationalisations, les premières mesures du gouvernement de Pierre Mauroy, hausse du SMIC et des bas salaires, revalorisation des prestations sociales, visent à augmenter le pouvoir d'achat des classes populaires et par conséquent à relancer la croissance. Le partage du travail, amorcé par la semaine de 39 heures et la retraite à 60 ans, vient à la fois compléter ce dispositif de lutte contre le chômage et satisfaire le peuple de gauche. Il fallait que le peuple vive mieux et un peu plus de temps à lui, que les travailleurs âgés puissent partir à la retraite. Alors en même temps, effectivement, ça correspondait à l'idée qu'on allait libérer des places pour les jeunes. Il y a eu incontestablement cette idée-là. Mais fondamentalement, c'était les engagements que la gauche avait pris qu'elle remplissait vis-à-vis de son électorat. Il était bien temps de respirer, de souffler, de prendre un peu de bon temps. Je lutterai. Au printemps de l'année 1982, la relance française vient buter contre la politique de rigueur mise en place par les autres pays européens. Les clignotants de l'économie demeurent au rouge. L'inflation est au-dessus de 13%, le commerce extérieur est largement déficitaire. C'est dans ce contexte que le ministre de l'économie et des finances tire le signal d'alarme lors de son passage dans la toute nouvelle émission politique d'Antenne 2 et réclame le premier une autre politique. Cela fait à peine un an que la gauche est arrivée au pouvoir. Les mois qui viennent seront difficiles. De nouveaux défis nous assaillent, une nouvelle révolution industrielle, des compétiteurs acharnés, la déstabilisation militaire ou sociale qui nous oblige à nous défendre. Tout cela, c'est une période rude. Moi, je la trouve plutôt stimulante, mais elle ne sera gagnée que si l'on retient bien ces trois mots, patience, solidarité, effort. C'est véritablement au printemps, je dirais à l'été 82, qu'on se rend compte que ça ne marche pas, que la relance... non seulement n'a pas d'effet positif sur la croissance, sur l'emploi, mais qu'elle a des effets désastreux sur le commerce extérieur et qu'elle met le pays en faillite. À ce moment-là, nous étions pris entre deux alternatives. La première, c'était de relancer à nouveau l'économie, mais nous l'avions fait une première fois et ça ne marchait pas. Ni le climat international, ni l'environnement psychologique des entrepreneurs le permettaient, ou bien d'aller jusqu'au bout de la politique de rigueur. Donc en allant jusqu'au bout de la politique de rigueur, je savais que le taux de chômage continuerait à monter encore pendant quelques années. Quelques jours après la déclaration de Jacques Delors, le franc est dévalué. C'est un coup de semonce qui pousse le gouvernement à opter pour une pause dans la mise en place des réformes. On ne prononce pas encore le mot rigueur. C'est devant le 41e congrès de la CGT médusée que le Premier ministre dévoile les principales mesures du plan de lutte contre l'inflation. Les clauses conventionnelles en matière de hausse des salaires et les indexions en ce qui concerne les revenus non salariaux, les marges commerciales et les distributions de dividendes par les sociétés sont en outre gelées. La seule exception concerne le SMIC, qui sera relevé de 3,2% au 1er juillet prochain. De son côté, vous applaudissez l'action sur les prix, il faut pendant 4 mois avoir une action sur les revenus, c'est indispensable. Et nous en sortirons. Je pense que tu n'attendais pas de moi que je t'apporte ce soir l'adhésion enthousiaste de la CGT. Ce fut le début, en quelque sorte, d'une, je ne dirais pas d'une rupture, mais de la prise de conscience que la bataille syndicale, malgré l'existence d'un pouvoir de la gauche, ne pouvait pas prendre de répit et qu'il fallait continuer à maintenir la pression. La hausse du chômage héritée des années Barre est à peine freinée. Une partie des salariés doit faire face à une insécurité économique grandissante. Et les déclarations du Premier ministre sur l'existence de faux chômeurs ont tendance à opposer entre elles les victimes de la crise. La télévision, à travers un de ses magazines d'actualité, se fait l'écho de cette fracture naissante. J'ai appris que Mauroy disait qu'il y avait des faux chômeurs en France. Moi, je suis entièrement de son avis. Parce que j'en connais d'ailleurs particulièrement. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est mettre tous les étrangers dehors, comme je le disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, avec les gars qui sont au chômage, leur accorder 6 mois de chômage. Et au bout de 6 mois, s'ils n'ont pas trouvé de travail, on leur coupe le chômage. Ça sera très bien comme ça, de toute façon. Il y en aurait certainement plus qui cherchera du travail. Hein. Il ne fera pas semblant. Parce que moi, je connais quelqu'un qui avait 4 enfants. Un jour, j'étais passée de jamais, puis je lui ai dit, ton mari ne travaille pas. Il me dit, pourquoi il s'amusera à se lever le matin? Il gagne 500 000 francs au chômage à rien faire. Je trouve ça une honte. Monsieur, est-ce que vous pensez que votre fils cherche vraiment du travail? Je pense bien que j'y vais avec. Je me déplace avec lui. Pourquoi? Parce que je veux voir. Pour vérifier ou... Pour vérifier. Non, mais... Disons, vérifier, non. Où il va, il demande du boulot. Et c'est plus sérieux, je trouve que ça fait plus sérieux que le père va avec l'enfant. C'est dur d'aller chercher du travail. Si c'est même plus une vie qu'on mène, on va pour chercher du boulot et nous renvoie. C'est presque s'ils nous ferment pas la porte au nez. C'est dégueulasse. Vous réagissez comment des fois? Vous avez envie de... il y a des fois... J'en pleurerai, quoi. Il y a des fois, il pleure quand il rentre à la maison puis qu'il lui refuse le travail. C'est quand même moi l'avenir, le boulot. C'est ça que je cherche, de me marier, fonder un foyer. On peut pas, ça n'a pas de boulot fixe. On peut pas prévoir la vie. C'est ça le problème. Et il y en a aucun qui va nous prendre, personne. La situation économique s'aggrave en ce début d'année 1983. Le 21 mars, le gouvernement dévalue à nouveau le franc et décide de le maintenir au sein du serpent monétaire européen. Ces choix ne se font pas sans un affrontement à l'intérieur du Parti socialiste entre ceux qui prônent la rigueur et ceux qui privilégient la relance. Il est vrai qu'un certain nombre d'hommes et d'équipes ont proposé à François Mitterrand le choix alternatif. On sort du système monétaire européen, on casse la coopération dans laquelle il s'est engagé, on joue tout seul, on fait une dernière dévaluation, mais on la veut de combat, on fait flotter le franc et puis on s'explique avec les autres en regagnant à l'exportation par une dévaluation agressive. Je n'ai jamais cru à cette thèse, mais elle avait de forts défenseurs, même Pierre Bérégovoy, qui est devenu ensuite un des meilleurs et des plus cohérents des défenseurs de l'autre. Là, il avait été impressionné tellement nous avions le sentiment que la France était étranglée, enfin, qu'on avait le couteau sous la gorge. Il est temps, grand temps, d'arrêter la machine infernale. Combattre l'inflation, c'est sauver la monnaie et le pouvoir d'achat. Voilà pourquoi je lutterai, et le gouvernement avec moi, de toutes nos forces contre ce mal et mobiliserai le pays à cette fin. En 1983 a sonné l'heure du grand tournant, le tournant libéral, il faut bien le dire, le tournant de la rigueur, dans le cadre d'une fixité du taux de change entre le franc et le mark, avec tous les efforts que cela impliquait. François Mitterrand a donc tranché en faveur de la défense du franc, qui se traduit par la mise en place d'un plan d'austérité budgétaire et sociale. La priorité donnée à la lutte contre l'inflation fait définitivement tourner à la gauche la page de 1981. En 83, après avoir hésité quand même, il a mis les pouces. Il a mis les pouces et il a imaginé de rester dans l'histoire comme le grand Européen. Il a choisi une autre trajectoire, et en matière économique et sociale, ça s'est traduit bien évidemment par un taux de chômage très élevé. Et je n'ai jamais accepté la thèse sur laquelle on avait tout essayé. Non, on n'avait pas tout essayé, c'est pas vrai. Faut bien comprendre les choses, On ne pouvait pas continuer à mener la bataille prioritaire sur le chômage en même temps que la bataille sur le commerce extérieur et contre l'inflation. Là, à partir de là... tous les efforts que nous pouvions faire étaient annulés par des mesures que vous connaissez, la casse dans beaucoup de secteurs. Bon, à partir de là, les 2 millions de chômeurs ont été atteints, dépassés, et ça a continué à grimper. Ou bien la France sera capable d'affronter la concurrence internationale et elle assurera du même coup son indépendance et sa prospérité. Ou bien elle sera tirée vers le bas et elle ira vers son déclin. Le tournant de la rigueur se traduit avant tout sur le terrain industriel. Le 4 avril 1984, François Mitterrand justifie devant la presse le plan de restructuration de la sidérurgie annoncé 5 jours plus tôt par son premier ministre. Le gouvernement ne veut plus assumer les pertes importantes d'Usinor et Sassilor, nationalisées en 1982. Deux sites en Lorraine et dans les Bouches-du-Rhône vont être supprimés et la modernisation des autres installations entraînera plus de 20 000 suppressions d'emplois. Violence et mobilisation sur le terrain, un silence prudent dans l'opposition et des démissions dans la majorité, le plan acier du gouvernement ressemble ce soir à un électrochoc. Le volet social de ce plan acier, départ en pré-retraite pour les salariés de plus de 55 ans et mise en place de congés formation de 2 ans, ne suffit pas à calmer les esprits. Même si le président de la République promet qu'il n'y aura pas de licenciement sec, l'impression qui prévaut dans les régions concernées est à la trahison. On n'a pas oublié ici le programme du candidat François Mitterrand qui, en 1981, s'engageait devant les Lorrains à ne plus licencier dans la sidérurgie. À Longwy, il ne fait plus bon être député socialiste. Nous, ouvriers, nous vous démissionnons! Nous vous démissionnons! Nous ne vous connaissons plus! La gauche, elle a été élue par nous, et puis c'est de la trahison, pur et simple. Hein. Nous, on attendait autre chose. On a voulu la nationalisation, on s'est battu pour ça. Ça changeait quoi? Ça n'a rien changé du tout. Nous n'admettons pas que, alors qu'il était question, que c'était annoncé, et que c'est ce que souhaitaient les travailleurs, on devait s'engager dans une voie de reconstruction, dans une voie de reconquête, reconquête du marché intérieur, reconquête des positions de la France sur le marché mondial pour lutter efficacement contre le chômage, parce que c'est la seule clé de la lutte contre le chômage. Alors qu'il était question de ça, maintenant, les actes vont en sens contraire. C'est inacceptable, c'est mauvais. Il est nécessaire de lutter contre cela. Et il est possible d'y parvenir avec succès. Les opérations villes mortes dans l'Est ou dans le Sud succèdent aux manifestations plus ou moins violentes. Mais la tension sociale en ce printemps 1984 ne se localise pas uniquement dans la sidérurgie. L'heure est à la modernisation de l'appareil industriel nationalisé pour une gauche marquée par le tournant de la rigueur et qui se veut maintenant gestionnaire. Le gouvernement de Pierre Mauroy enchaîne les plans de restructuration et les licenciements dans les charbonnages et les chantiers navals. Est-ce que vous trouvez que souvent, ce n'est pas à nous qui est revenu de faire le sale boulot, précisément parce qu'il n'avait pas été fait avant? Et ce sale boulot, c'est un déchirement à chaque fois, lorsqu'il faut fermer une entreprise parce qu'elle n'a plus de marché, lorsqu'il faut licencier parce que si on ne licencie pas 20 personnes, ça va être 250 qui vont être licenciés. Mais ce boulot, pour reprendre cette expression, c'est la gauche et c'est son courage et c'est son honneur de l'avoir fait parce que c'est l'intérêt du pays, parce qu'à terme nous pouvons moderniser et créer des emplois. L'adhésion du gouvernement à l'économie de marché ne crée plus d'obstacles à la multiplication des plans de licenciement. Le maître mot devient gain de productivité, tant dans le secteur public que dans l'industrie privée. Mais ces restructurations ne se déroulent pas sans affrontements, comme à l'usine Talbot de Poissy. La grève, déclenchée à l'annonce de 2000 licenciements, débouche sur de violentes batailles rangées entre les ES à majorité immigrée et la petite maîtrise française, soutenue par un syndicat d'extrême droite, la CSL. La présence de la télévision va faire de ce conflit un des symboles d'une certaine impuissance de la gauche en matière industrielle. 7h15, le meeting quotidien de la CFDT, les appels au calme de Jean-Pierre Noal. Quand, tout à coup, du fond du B3, des militants de la CSL chargent. Ils sont plus, ils ont maîtrisé. Ils sont à côté, là. Regardez, là, messieurs. Des conséquences des restructurations et de la montée du chômage va être l'explosion du déficit de l'assurance chômage. Déjà en novembre 1982, le patronat a refusé de voir ses cotisations augmenter et a dénoncé dans un coup de force spectaculaire la convention de l'UNEDIC signée en 1959. Nous ne pouvions pas continuer à assurer la marge de l'UNEDIC telle que ça fonctionnait et qu'il fallait casser l'UNEDIC, suivant l'expression qui a été reprise malencontreusement par tous les journaux du lendemain. J'ai donc été le casseur du NEDIC, etc. Ça ne m'a pas fait une bonne réputation, il faut bien le dire. Je n'ai pas besoin de vous dire combien j'ai été critiqué pour cette mesure sauvage, que je n'ai pas regretté par la suite. L'UNEDIC demandait beaucoup d'argent. Donc Bercy n'étant pas trop nantis à ce moment-là hésitaient. Et nous aussi, on disait, écoutez, le chômage, c'est aussi l'affaire des employeurs et vous pourriez peut-être mettre davantage... vous mettre davantage à la contribution pour financer des pertes d'emplois que vous avez générées. Donc c'est ce débat permanent et donc c'était toujours très difficile. Et alors bon, il y avait des discussions, des négociations, puis on finissait par un compromis toujours un peu douloureux. Le gouvernement, après le virage économique de 1983, est amené également à reculer sur le terrain social. Les salariés et leurs syndicats se retrouvent face à un patronat en position de force. Ainsi, l'accord sur l'assurance chômage signé en février 1984 grignote une bonne partie des indemnisations, mais il divise aussi le système en deux, renvoyant les plus démunis, les chômeurs longue durée et les jeunes aux marges de l'assistance. On peut espérer que l'équilibre des deux régimes sera possible, mais cela suppose que le nombre des chômeurs n'augmente pas aussi fortement qu'on peut le craindre, ce qui veut dire que le problème essentiel reste celui de l'activité économique du pays, car s'il est nécessaire de prévoir l'indemnisation du chômage, il faut d'abord qu'il y ait des emplois. La télévision de l'époque, en dehors du journal télévisé, s'intéresse peu aux victimes de la crise. En revanche, le nouveau réalisme économique se traduit par une avalanche d'émissions censées faire admettre aux Français les bienfaits de l'économie de marché. Vive la crise, diffusée en février 1984, est à ce titre révélatrice du retournement idéologique d'une partie de la gauche. Présentée par l'acteur Yves Montand, longtemps proche du Parti communiste, l'émission est faite pour choquer la France des années 80. La crise ? Quelle crise ? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Bah, avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Bah, je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot. Mais oui, parce que nous mangeons notre faim, nous sommes en paix. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus. Ah, pour moi, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Hein? C'est l'abandon par la gauche des classes populaires auxquelles elle s'adressait prioritairement. Alors on peut évidemment dire, nous sommes une société de plus en plus tertiaire, c'est les bobos, les bourgeois bohèmes qui tiennent le haut du pavé, etc. Mais je dirais que cette attention presque exclusive accordée à cette partie de la société me paraît, encore aujourd'hui, un reniement profond des valeurs qui sont celles de la gauche. Puisqu'il y a tant de chômeurs, dit-on parfois, et puisque les services publics marchent mal, eh ben, il n'y a qu'à engager davantage de fonctionnaires. Ben voyons. Est-il souhaitable de transformer les chômeurs en fonctionnaires ? Tout au long de l'émission, les auteurs de Vive la crise vont démolir une à une les valeurs derrière lesquelles, quelques mois avant, une partie de la gauche se rassemblait. Un journaliste de Libération, Laurent Geoffrin, n'hésite pas à fustiger les dépenses de l'État et ose un parallèle hasardeux entre le nombre de fonctionnaires et le poids du chômage. Depuis 10 ans, la part du revenu prélevé par l'État sous forme d'impôts et de cotisations sociales est montée à près de 50%. Cet argent sert pour une grande part à financer les salaires de la fonction publique. Mais cet argent a fait défaut aux entreprises. Depuis 10 ans, l'investissement industriel a cessé de progresser. L'Europe compte aujourd'hui 12 millions de chômeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un libéral de gauche ? Oui, c'est la question à 100 francs. Ah ben je sais pas, non. Mais... C'est une distinction, non. J'essaye de faire une distinction entre un libéral de gauche et un libéral de droite. La distinction, le libéral est quelqu'un qui croit aux vertus du marché. Le libéral de droite, je commence par là, croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique, mais qu'il faut faire en sorte de maintenir un nombre de stabilisateurs pour que la société ne bouge pas trop, même si on atteint l'optimum économique. Le libéral de gauche, donc moi, croit que le marché, outre un certain nombre de vertus économiques, peut être un moyen assez brutal de changer la société et que de ce point de vue, il faut le laisser jouer à plein. Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin. Oui. Ah bon, donc vous trouvez c'est bon ça ? C'est excellent. Et ça n'existait pas de votre temps ? Bah, ça existait, le marché a toujours existé. Mais, il valait mieux pas s'en vanter. Ah, il valait mieux pas s'en vanter. Maintenant, on peut s'en vanter. Bah, ouais. Alors, bon. Toujours en 1984, une autre émission va démontrer comment les bons s'adaptent à la nouvelle donne économique et comment les autres, les perdants, vont disparaître. Est-ce qu'il y a des recettes pour réussir malgré la crise? La réponse à cette question, nous l'avons peut-être trouvée dans ce livre. Car ce livre est plus qu'un livre. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est devenu un véritable événement, presque une bible de la réussite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il contient les secrets des meilleures entreprises américaines. Nous avons fait nos bagages et nous sommes venus jusqu'ici, à San Francisco. L'Amérique libérale de Ronald Reagan crée des émules dans une partie de l'intelligentsia française. Un certain nombre de journalistes ou d'intellectuels jettent au rancard les vieilles idéologies collectivistes pour valoriser le culte de la réussite personnelle. Ceux-là même qui, 10 ans plus tôt, glorifiaient la classe ouvrière n'hésitent plus à exalter en ces années 80 la nouvelle image du patron qui gagne. Peut-être que la pratique de l'exercice du pouvoir a montré à toute une série de gens qu'au fond, il y avait, dans ceux qui dirigent la France aujourd'hui, l'idée que l'entreprise est une bonne chose à promouvoir, que le profit est une bonne chose, mais que tout le problème est de savoir comment et qui décide de son utilisation. On passe d'une culture d'opposition, où on est forcément avec ceux qui ont perdu, qui veulent gagner, à une culture de gouvernants qui sont forcément avec ceux qui ont gagné, qui veulent rester ceux qui ont gagné. Donc c'est comme on incarne la France, c'est vive la France qui gagne. On ne peut pas être vive la France qui perd quand on est au pouvoir. Je vous confie 25 personnes avec des pioches. Je vous demande de me creuser un trou de 10 mètres sur 10 et je chronomètre. Avec les mêmes, il y en a un qui va mettre, avec son équipe, 2 minutes 30. Il y en a un autre qui va mettre 2 jours et demi. Avec la même, avec les mêmes pioches, avec les mêmes types. Il y en a un qui saura leur expliquer comment il faut faire, pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut le faire vite. Puis il y en a un autre qui aura mal avec eux, qui ne saura pas leur dire, et le trou, il ne se creusera jamais. Autrement dit, 3 qualités. Imaginatif, vendeur, meneur. Le message est clair. Les gagnants sont ceux qui osent et qui prennent des risques. Les perdants sont ceux qui restent accrochés à leurs acquis et sont assistés par un état-providence qu'il faut abattre. La conclusion coule de source et nous est donnée par un Yves Montand transformé par la crise. C'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt. Toutes les années 83, 84, 85, 86, les salariés ont été confrontés à des tentatives permanentes, voire des mesures, des dispositions, des décrets ou des lois qui ont grignoté des aspects importants du code du travail, du droit du travail, pour aller dans le sens de plus de souplesse, de plus de possibilités pour les employeurs. Et c'est une... Il y a quand même une grande continuité dans tout ce qu'on a vécu pendant... disons les 15 ou 18 dernières années. Les conquêtes sociales acquises après bien des luttes, notamment dans les années 60 et 70, sont remises en cause une à une. Après la victoire obtenue sur l'UNEDIC, le patronat français s'attaque dès 1984 au code du travail et prône une déréglementation générale de la gestion de la main-d'œuvre. Il faut que vous sachiez que le patron français est le seul patron du monde qui a peur de l'effectif. Il n'y a qu'un patron dans le monde qui a peur d'effectuer le patron français. Alors vous expliquez, est-ce que cette pathologie vient d'une disposition des neurones, d'une hérédité, d'une maladie ou des dispositions environnantes? Alors moi je crois avoir trouvé. Ça vient du fait qu'on a un environnement des emplois qui est tellement contraignant. Les charges et surtout les contraintes. T'sais, on a tissé tellement de contraintes pour protéger l'emploi qu'on dissuade l'emploi. Déjà à l'époque, le patronat se bat très fort sur l'idée que le travail n'est pas conçu comme créateur de richesse. Le travail est un coût et il faut absolument trouver tous les moyens et tous les éléments qui permettent de faire baisser le coût du travail pour augmenter les profits. Des négociations entre les partenaires sociaux vont avoir lieu tout au long de l'année 84 sur l'aménagement du travail. l'adaptation du marché du travail à la nouvelle donne économique, comme par exemple la mise en place d'horaires variables, de temps partiel ou l'utilisation de contrats à durée déterminée, bref, ce que l'on commence à nommer la flexibilité, devient la nouvelle solution pour lutter contre le chômage et créer de l'emploi. Le patronat, bien sûr, mais aussi les hommes politiques de gauche et surtout certains syndicalistes font de ce nouveau concept le parangon de la modernité. L'idée qu'il y avait des choses à changer dans l'organisation du travail, dans la manière dont peut-être la rigidité du marché du travail et de l'emploi était réelle. C'était des choses que nous prenions déjà fort en considération, tout simplement au nom du fait que nous ne voulions nier ou écarter aucune question qui pouvait être source du blocage de l'emploi ou qui pouvait constituer des freins à l'emploi. Pourtant, alors qu'à la fin décembre, les négociations semblent jouées, les principaux syndicats refusent de signer l'accord sur la flexibilité. Nous étions d'accord, nous les responsables. Et nos militants ont dit non. Ça va trop loin. On sort trop du contrat de travail à durée indéterminée, classique, des façons classiques de faire. Non, non, non, danger. Du même coup, il y a eu recul. Ils voulaient imposer cette façon de vivre avec l'agrément des intéressés. Non seulement on va les faire travailler comme on voudra, sans considération d'aucune sorte pour leur vie à eux, mais ils vont dire amen et merci. Voilà ce qu'ils voulaient. Ça, ils ne l'ont pas eu. Syndicat allemand, avant d'accepter la flexibilité à l'allemande, on leur avait dit, vous aurez les 35 heures quand même. Hein. C'est du donnant-donnant. En France, ce n'était pas du donnant-donnant. En France, on leur disait, pour améliorer l'emploi, il faut faire de la flexibilité. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Le syndicaliste de base, il dit, moi, je vous fais un bras d'honneur. Le concept de flexibilité n'en est pas pour autant enterré. Alors que les négociations sont rompues nationalement, l'aménagement du temps de travail se réalise petit à petit sur le terrain avec un certain nombre d'accords locaux. Qu'est-ce qui a changé sur la chaîne? Les machines comptent le temps maintenant, et donc il y a plus de production. Vous faites plus de production qu'avant? Oui, beaucoup plus. Et pourquoi? Parce que maintenant, au lieu d'avoir une pause collective le matin, nous sommes remplacés un par un, ce qui permet aux machines de continuer. Est-ce que vous avez le sentiment de travailler plus ou moins qu'avant la signature de cet accord? Oh, moi j'ai l'impression de travailler plus, moi, parce que moi je suis bien plus crevée avec les horaires qu'ils ont fait que ce qu'on était avant, hein, parce que premièrement on a une réduction de pause, ils nous ont pris des minutes pour quitter et tout, alors pour moi, on est plus fatigués de toute façon. Hein. De plus en plus, vous avez dans les entreprises des périodes où il y a des périodes intenses d'activité et puis d'autres où il y a beaucoup moins d'activité. Parfois c'est l'été, parfois c'est l'hiver, ça dépend des industries. Et si vous n'arrivez pas à avoir une certaine adaptation entre les périodes où il y a beaucoup de commandes et une activité un peu plus forte, les périodes où il y en a moins et moins d'activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire le chômage partiel, ça veut dire les licenciements, ça veut dire une espèce de rigidité qui est au détriment de tout le monde. Alors par rapport à ça, nous souhaitons, nous, une certaine adaptation. Le Premier ministre va alors profiter de la multiplication des accords locaux durant l'année 1985 pour faire voter par le Parlement une loi encadrant la flexibilité. Elle constitue un premier accroc au Code du travail et consacre surtout la remise en cause de l'emploi stable à temps plein et à vie. Le gouvernement socialiste n'en finit plus de faire le grand écart en matière économique et sociale. C'est un recul grave du point de vue social. Ça fait mal. Les syndicats ont refusé de le signer avec le CNPFF. Le gouvernement veut en faire une loi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On est bien obligé de dire que c'est pas bon. La victoire de la droite aux élections législatives de mars 1986 prolonge la remise en cause des protections sociales amorcées par la gauche. Le mot d'ordre du gouvernement de Jacques Chirac, dans la droite ligne d'une économie libérale, est de donner plus de liberté aux entreprises tout en maintenant la rigueur budgétaire. Une des principales dispositions prises par le nouveau ministre des Affaires sociales, Philippe Séguin, et de supprimer l'autorisation administrative de licenciement mise en place 11 ans plus tôt par Jacques Chirac. L'autorisation administrative de licenciement, elle a été instituée en 1975. Bon, à l'époque, il y avait 500 000 chômeurs, je ne sais pas combien. En 1986, il y en avait 2,5 millions. Qu'est-ce qu'avait empêché l'autorisation administrative de licenciement? Rien. Moi, la mesure essentielle dont je garde mémoire, c'était cette libération des emplois par la suppression d'autorisation administrative du licenciement, dont on a vu que ça a été extraordinairement bénéfique à l'emploi. J'entends encore Yvon Gattaz nous annoncer que la suppression de l'autorisation administrative, puis après ce qu'il appelait les emplois à contraintes allégées, devait, je crois, créer 471 000 et quelques. Je ne sais plus le et quelques, mais le 471 000, j'en suis sûre. Bon, vous voyez un peu ce que représente ce genre. Enfin, c'est de l'esbroufe, c'est franchement de la mousse autour tout simplement d'une revendication patronale qui consistait à nous dire donnez-nous la possibilité de licencier comme on le veut, quand on le veut, les gens que nous ne pouvons plus ou ne voulons plus garder. Le nombre de demandeurs d'emploi franchit la barre des 2 600 000 en mars 1987. Mais les mois suivants vont voir la courbe du chômage décliner. 100 000 chômeurs de moins en l'espace de 2 ans. La croissance est de retour. Une croissance à plus 3%, loin des 6% du début des années 70, mais suffisante pour relancer la machine industrielle. Ce regain de l'activité s'accompagne donc d'une reprise de l'embauche, mais celle-ci ne se fait plus au bénéfice d'un emploi stable. À Sochaux, nous étions, il y a 10 ans, 43 500 personnes. Nous sommes maintenant 23 500. Car notre règle, c'est de faire toujours davantage de voitures avec moins de personnel. Or, pour pallier ces aléas, nous avons, si j'ose dire, pardonnez-moi ce terme, un matelas, une frange de personnel qui n'appartiennent pas à l'entreprise et qui travaillent pour notre compte, mais dans des conditions plus précaires. C'est-à-dire que si tout d'un coup, la demande, si par hasard, le marché devenait moins bon, et si la demande commerciale baissait, nous allégerions nos effectifs en faisant partir les intérimaires dont les contrats sont des contrats à durée déterminée. La société civile commence à payer le prix de ce chômage de masse et de cette précarité salariale. La pauvreté se propage ainsi parmi les classes sociales les plus exposées. L'hiver 85-86 marque l'irruption de ce phénomène sur le devant de la scène, avec notamment la mise en place très médiatisée des restaurants du cœur. Maintenant, si tu veux, on s'adresse à une catégorie de gens qui sont des chômeurs, qui ont une famille, qui ont, tu vois, c'est pas des clochards qui vivent dehors. Alors, on fait une distribution plutôt qu'un repas, parce que bon, venir bouffer là, c'est un petit peu, tu vois, dérangeant pour eux qui ont une famille, alors que là, tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais bouffer, t'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné. Il faudra cependant attendre plusieurs années pour voir à la télévision le regard de documentariste s'arrêter sur les dégâts causés par le chômage. La réalisatrice Françoise Davis plante ainsi en 1992 sa caméra dans un immeuble de Roubaix habité par des familles sans travail fixe. Du caca, ouais. C'est du pain congelé qu'on a au curé. On a un colis qui vient du curé, on a eu des frites. On a un colis qui vient de Sava Saint-Paul, c'est les haricots verts. Les steaks, ils viennent de la supermarché. On prend les moins chers. Comme ça, ça fait un repas qui n'est pas coûteux. Et on mange bien. Attends, je tire les couvertures en bas. Parce qu'ils sont coincés avec le sommier. Allez, ma puce. On l'attache comme ça la nuit. On est sûr qu'elle ne va pas trop bouger et elle va pas, grâce à sa ceinture, elle ne va pas se découvrir. Quoi ? Il fait tellement froid ici la nuit, en plus on évite d'allumer le feu la nuit parce que c'est dangereux. Et demain, même si on l'allume la nuit, ça ne sert à rien parce que ça ne chauffe pas la chambre. Et donc ici la nuit, on doit mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 couvertures. Je dois lui mettre un pull, un pyjama, une paire de collants pour dormir. La pauvreté devient alors un enjeu électoral. À défaut de modifier les règles de l'économie, les deux candidats à l'élection présidentielle de mai 1988 s'affrontent sur le terrain de la misère. La promesse du candidat François Mitterrand de mettre en place le revenu minimum d'insertion est, dès décembre 1988, adoptée par l'Assemblée nationale. Il n'est pas digne de notre passé, ni concevable pour notre avenir, que tant de gens survivent dans la misère, et se voit rejeté aux franges, d'une société qui les frappe d'exclusion sans appel. La solidarité n'est pas la bonne conscience de la modernisation, elle est la condition de sa réussite. Cette France abîmée par la crise constitue la trame du documentaire de Denis Gerbrandt. Durant toute l'année 1991, de Roubaix à Marseille en passant par Longwy, le réalisateur va parcourir les régions meurtries par le chômage et surtout rencontrer une population orpheline de ses repères. Et on n'a pas dit au lycée qu'il y avait du chômage dans l'habillement, tout ça ? Non, on n'en a pas parlé, non. Vous en parlez ? Mais non. Vous posez des questions ? Je me pose des questions aussi, mais on n'en a pas beaucoup parlé, quoi. Dans l'établissement, on essaye de tout cacher, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est un lycée vachement bien et tout, et puis on n'en parle pas souvent du chômage. C'est tout. Et entre vous, vous en parlez ? Entre camarades, non. Non. Vous faites comme si vous faites un métier et puis vous l'exercerez plus tard. Quoi. Voilà. On pense pas au futur. Ouais. On pense pas du tout. Et qu'est-ce qu'il fait, votre père ? Mon père, il était styliste aussi. Ah oui. Il était ? Il était, puis maintenant, il n'y est plus, quoi. Il est au chômage. Ouais. Il a été licencié. Ça fait longtemps ? Ça fait déjà un bon moment. Je saurais pas vous dire combien d'années maintenant, mais ça fait déjà un bon moment quand même. Ouais. C'est vrai, il arrive à... Il déprime pas trop ? Aussi, au début, les premières années, il a vraiment déprimé. Il a même pu rentrer à l'hôpital à cause de ça. Ouais. Mais un petit peu à la fois, on a essayé de lui remonter la morale et tout. Bon, ça a été. Mais depuis ce temps, ça n'allait plus avec le ménage, avec ma mère, quoi. Ouais. Puis, parents divorcés, et puis voilà. Et là, c'est votre mère qui vous élève. Voilà. Ouais. Et vous voyez encore de temps en temps votre père ? Je ne le vois plus maintenant, ça fait 4 ans que je ne le vois plus. Sous la pression du chômage, la violence sociale ne s'exprime plus dans le monde du travail à travers la grève notamment. Elle trouve son exutoire dans une violence urbaine plus diffuse, bien souvent montée en épingle par les médias, comme ici à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. La société bascule dans un cycle sans fin de violence et de répression. Le taux d'incarcération augmente ainsi en France d'environ 30% entre 1985 et 1995. En France, tant que tu payes pas tout dans ton quartier, ben, il tombe en ruine. Ton quartier peut tomber en ruine, les gens ils peuvent vite crever comme des chiens de la cam. Crever de faim, crever de la cam, crever de tout ce que tu veux, personne s'en occupe. Et le jour où tu fous le feu à 3-4 voitures, tu massacres 2-3 flics, après on te dit ouais, faut faire quelque chose, ça craint, faut s'occuper d'eux. Il faut s'occuper des gens avant qu'ils soient dans la merde, faut pas s'en occuper une fois qu'ils sont dedans jusqu'au cou. La grande affaire des années 90 est la construction de l'Europe monétaire qui débute par la ratification du traité de Maastricht pour s'achever avec la naissance de l'euro. Cette politique monétariste du Francfort, interprétée par tous les gouvernements de l'époque, de gauche comme de droite, passe notamment par une nécessité de maintenir le déficit budgétaire en dessous de 3%. La rigueur économique qui en découle a pour principale conséquence de réactiver la croissance du chômage. Je rappelle donc qu'après la lancée du grand objectif 92, le marché unique, l'économie européenne a repris. De 1986 à 1991, elle a créé 9 millions d'emplois, contre 1,5 million de perdus dans les 4 ans précédents. Mais à un moment donné, la réunification allemande a entraîné une surchauffe de l'économie allemande et celle-ci a augmenté considérablement ses taux d'intérêt. Et cela a replongé les partenaires de l'Allemagne dans une période difficile, je cite les années 91 à 94. On s'est accroché aux marques. On aurait dû décrocher. La France a un coup de froid sur son économie, l'Allemagne elle a un coup de chaud avec la réunification allemande. Et donc nous importons en France des taux, là encore, records, qui sont bons pour l'Allemagne, mais qui sont une catastrophe pour la France. Donc l'erreur économique et monétaire faite en 92-93, ce sera d'ailleurs un de mes désaccords importants avec M. Trichet et avec M. Balladur, est une faute, je crois, qu'aujourd'hui tous les économistes reconnaissent. À ce moment-là, évidemment, à nouveau, certains ont dit quittons le système monétaire européen. Mais nous étions engagés sur cette voie. Nous devions encore ramener l'inflation à 1,5%. Nous avons continué. Mais cette période-là, nous l'avons payée en chômeurs en plus. Parce que nous sommes passés, si ma mémoire est bonne, de 10,5 de chômeurs en 87 à 12,6 en 97, juste avant la reprise. Donc, l'Union économique et monétaire a eu un prix en termes de chômage. Ça, c'est indiscutable. On a là un conflit structurel qui va durer, je dirais, jusqu'à 1997, entre les partisans d'une monnaie forte, hein, qui implique qu'on lutte prioritairement contre l'inflation, qu'on se serre la ceinture, et puis ceux qui pensent que la monnaie n'est qu'une variable d'ajustement, finalement, et que ce qui compte, c'est la croissance économique et par conséquent, les emplois qu'elle génère. Les années 92-93, ça avait commencé avant. Les 92-93, c'est les années où on a vu se produire des charrettes de suppression d'emplois, notamment dans les grands groupes et dans les grandes entreprises, y compris des charrettes de licenciement qui n'avaient pas d'autres objectifs que de permettre de faire monter la productivité et de faire monter les profits. Moi, j'ai encore les chiffres de l'époque. Je prends un seul exemple. Le groupe PSA, qui était dirigé par Jacques Calvet à l'époque, avait fixé comme objectif 12% de progression de productivité sur 4 ans. 50% en 4 ans. Ils ont été atteints. Et ils ont été atteints grâce à des charrettes de licenciement. Mais on avait ça dans tous les grands groupes. Mais parmi ces dizaines de charrettes de suppression d'emplois, un plan social attire particulièrement l'attention en ce début d'année 93. La multinationale américaine Hoover décide de fermer son site français de Dijon pour aller s'installer en Écosse. La raison de ces 600 licenciements peut être résumée en une formule, le dumping social. Là, c'était une première délocalisation intra-européenne qui mettait en évidence qu'en définitive, cette construction européenne était beaucoup plus dans un contexte de concurrence plutôt que de coopération, puisqu'en fait, cette entreprise partait en Écosse et les conditions qui étaient faites aux travailleurs écossais étaient draconiennes. Face à cette déferlante du chômage, les acteurs politiques s'avouent bien impuissants. Lors d'une émission spéciale, le président de la République, François Mitterrand, enterre dans un étonnant dialogue avec un téléspectateurs les derniers espoirs de ceux qui voyaient en la gauche une force politique capable de modifier les règles économiques. Mais monsieur, ni vous, ni moi, n'y pouvons rien dès lors qu'en automatisant la troisième révolution industrielle depuis le début du 19e siècle, dès lors qu'on peut fabriquer plus vite et pour moins cher des produits. Et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, et moi aussi. Aux chefs d'entreprise, ils iront toujours là où il y a la meilleure productivité, le meilleur rendement et le meilleur profit. Les jeunes qui sont dans ce film sont tous nés en 1972-1973. Et on peut dire que leur courbe de croissance a suivi celle du chômage. À l'école, ils étaient dans la moyenne. Ils ont suivi leurs études jusqu'au bac et même un peu plus. Et depuis, ils cherchent leur place. Ils sont à cet âge intermédiaire qui se prolonge de plus en plus. Une partie de la jeunesse des années 90 s'éternise dans une zone floue où on a du mal à distinguer l'emploi du chômage. Plus de 80 mesures d'insertion vont ainsi s'empiler durant 20 ans pour tenter de rendre employables ces moins de 25 ans. Le réalisateur Philippe Baron va durant 2 ans suivre 3 jeunes dans cette tentative de recherche d'un travail. Parce que je sais pas si j'ai 3 ans, j'ai pas 3 ans de chômage. T'as un bac, j'ai 3, il te faut 1 an de chômage, ouais. 3 maintenant. 3 ans. Il n'y a même plus de. Par 3 ans, le RMI. T'as plus droit à CES, de toute façon. Pourquoi ? Le groupe 4, il n'existe quasiment plus. Ceux qui ont un. Non, parce que ceux qui ont un bac, enfin, il y a quelque temps, pouvaient, après 1 an de chômage, demander à faire un CES. Mmh. Et ce groupe-là a quasi disparu. Donc il te faut 3 ans. Donc, ouais, tu n'as plus le droit au chômage, ou être bénéficiaire du RMI, ou avoir un bébé, ou. Non, être handicapé. Ouais. Sous main de justice. Ouais. Ouais. Non, bah, j'ai pas. Donc t'as des efforts à faire. Bon, Céleste, c'est pas la peine d'en parler. Bon, heureusement que t'as pas pris. Pour tenter d'endiguer le raz-de-marée du chômage, les gouvernements du début des années 90, de gauche comme de droite, vont mettre en place deux styles de mesures pour faciliter la création d'emplois. Tout d'abord en réduisant massivement les charges sur les bas salaires. Ensuite, en développant la flexibilité du travail et notamment du temps partiel. Nous nous sommes trouvés dans la situation de savoir si on rendait possible des contrats de moindre noblesse ou de moindre sécurité que le contrat à durée indéterminée, le célèbre CDI, ou si on ne le rendait pas, ou si on continuait à interdire, en sachant qu'on ferait d'autant plus de chômeurs et de marginalisés. Et nous nous sommes rendus d'un commun accord à cette idée qu'il fallait ouvrir des dispositifs de flexibilité. On l'a fait un peu la mort dans l'âme, mais on l'a fait. Mais là, nous retombons à la limite. On n'est pas dans le social, on est quand même dans l'économie, mais c'est toujours du traitement social de la crise. Je sais que certains ont des pudeurs effarouchées à parler de flexibilité, mais je ne vois pas pourquoi. La flexibilité, c'est très bien. Il faut dire que c'est de la flexibilité. Alors on tourne, on emploie d'autres formules, je ne sais plus lesquelles, soi-disant plus pudiques, mais personne ne s'y trompe. Je vous rappelle que pour les deux places de cinéma, c'est l'équipe de Stéphane et Alexandre qui est en tête, hein, avec 10 accords. Hein. C'est très très bien. Le milieu des années 90 voit ainsi la flexibilité de l'emploi s'envoler. Les centres d'appels téléphoniques, qui connaissent un essor considérable, sont à ce sujet représentatifs des nouvelles formes d'embauche. Temps partiel à outrance, horaires décalés, contrats à durée déterminée. La précarité salariale concerne aujourd'hui un emploi sur quatre et n'est pas sans conséquence sur les conditions de travail. Bonjour, bah écoutez, je me présente, je m'appelle John, je suis superviseur donc, à Téléperformance. On a un écran de contrôle que chaque superviseur a, donc, qui nous donne donc, le nom des téléacteurs, des collaborateurs, leur état, donc savoir s'ils parlent, s'ils sont en attente ou pas, le temps de logage, ce qu'on appelle le logage, c'est le temps depuis lequel ils sont assis sur leur chaise, le temps parlé, donc ce qui nous permet de voir combien de temps ils parlent par rapport au temps où ils sont là, et en termes de résultats, donc le nombre de contacts réalisés, le nombre d'accords, le nombre de refus, et je fais ce qu'on appelle de l'écoute active, c'est-à-dire que j'écoute, et que si je sens qu'il manque un petit peu de directivité, de sourire, je le reprends, et tout de suite, j'essaie de leur mettre sur les rails pour conclure. Par exemple, lui, je dirais qu'il manque un petit peu de sourire. Tu mets un petit peu de sourire, Alexandre. C'est bien, Alexandre. Super, c'est très, très bien. Hein. 30 ans après le début de notre histoire, la courbe du chômage commence à s'inverser. Sans doute le retour de la croissance, les 35 heures ou les emplois jeunes sont passés par là. Et surtout, le marché du travail a changé. La frontière entre activité professionnelle et chômage s'est estompée. La précarité des statuts s'est étendue et les salariés se retrouvent de plus en plus seuls face aux exigences de leurs employeurs et des actionnaires. C'est sûr qu'auparavant, il y a 20 ans de ça, on embauchait directement au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Mais bon, maintenant, à l'heure actuelle, la conjoncture, ça n'existe plus, je pense. Vous rentrez le soir... Peut-être que demain, j'arrêterai mon contrat, peut-être que... Bon, c'est le stress de l'intérim, quoi. C'est pour pas dire vraiment que ce soit vraiment un ouvrier, parce que bon, vous allez travailler dans une entreprise, comme demain, vous allez nettoyer les trottoirs, comme après-demain, vous allez faire autre chose. Quand vous rentrez dans l'intérim, c'est plus, vous n'êtes plus un ouvrier, de toute façon, c'est clair, c'est... Il n'y a pas de moyens plus violent de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage. Aucune répression physique, aucune troupe qui matraque, qui lance des grenades lacrymogènes et ce que vous voulez, rien n'est aussi puissant comme moyen contre la volonté tout simplement d'affirmer une dignité, d'affirmer la possibilité d'être considéré comme un être humain. C'est ça la réalité des choses.